Mito, l'avenir. Adieu. Et ainsi je pars. Est-ce si pénible? Et je n'oublie pas l'avenir disponible. Je lis la mesure, ne vois pas d'usure. L'avenir disponible n'est pas si pénible. Loin de là. L'avenir sans et moi. Et